Jadi de Cameroun. Aujourd'hui, une seule étoile. Père, travail, patrie, notre devise, c'est la réunification. A commencé à l'estuaire du Vouy. C'était en 1472. Je jure par cette force qui enchaîne et déchaîne. We got King Akwa. He told us one thing. Keep going. Huh? We got King Bell. Just one word. Keep walking. The struggle never ends, baby. King Akwa nous disait un seul mot. Continuez. King Bell nous avait dit. Continuez. Je jure par la fureur des aïeux. Je jure par la sueur des martyrs. Continuez. Continuez. Je jure par la volonté de nos mères. I swear by the will of our mothers. Je jure par la révolte de nos pères. I swear by the revolt of our fathers. C'était Cameroun avec un grand K. Martin Kosamba, Pepela Nga Karnan, Wala Mangabel, Bana e Alangu Bisona, Rube Mnyoben, Gomporol Nyena Lengle, Ernest Wanje, Lambu Pange. Ruben Umyoube disait, continuez, à toute la jeunesse déterminée, continuez, c'est la sagesse mère de l'univers. C'était Rio dos Camarouès. C'était Rio dos Camarouès. Et lui, c'était Rio dos Camarouès. Joya said, Joya avait dit, continuez. Félix Moumier nous avait dit, continuez. André Marie Bida nous laissa un continuez. Seul mot. John Goufoncha réitéra un seul mot. John Goufoncha, repeat continuez. It. Let's move on. Let's move on. À l'époque, c'était deux Cameroun. À l'époque, c'était deux premiers ministres. Amadou Ahidjo nous avait laissé une attitude. Paul Biya nous a dit un seul continuez. Mot. Paul Biya nous continuez. A dit un seul continuez. Mot. Paul Biya nous continuez. A dit un seul mot. Un seul je jure mot. Par cette flamme qui envahit mon être. I swear by these flames that fill up my heart. Je jure par le dernier soupir des dix ans. I swear by the last breath of what it means. And I swear. I swear by the thousands of lives lost. I swear by the cry of babies sacrificed. Cameroun, yeah, yeah, yeah. Je le jure par le verre rouge jaune. Yeah, yeah. Je le jure par la détermination des jeunes. Yeah, yeah. Martin Paul Samba, un seul mot. Charles Atangana. Cameroun, yeah. Salomon, tendez mon nom. Je jure par la paix, le travail et la patrie. I swear by the golden star on the red of our flag. Je jure par cette étoile dorée sur le rouge. Je jure par cette union des peuples. I swear by the unity of our nation. I swear by our motto, peace, work, fatherland. I believe.